Un mort dans la guerre des gangs à La Courneuve. Un jeune homme est décédé d'une balle en plein cœur dans la cité des 4000. Deux groupes de trafiquants de drogue se battent à l'arme lourde depuis plusieurs jours maintenant pour conquérir de nouveaux territoires. On va tout de suite retrouver Guillaume Audat qui est sur place avec Karima Benamou. Le petit Moussa a 12 ans, très calme et tigeant, un petit intelligent et qui respecte ses parents. L'un d'être un délinquant, au foot est intéressant. Il est dans droit chemin, mais ça n'est pas pour l'autant. De jour en jour, il déconne, il sèche l'école. Ses potes font la morale, mais y'a rien qui résonne. Il va plus au foot et se trouve dans un autre terrain. Très mal fréquenté, il ne suit plus le bon chemin. Moussa a divagué, il commence à fumer. Personne ne le reconnaît parce qu'il a beaucoup changé. H24 sur le raté, il pense qu'à la monnaie. Dans sa tête il rêve de devenir le patron du quartier. Il se lève tôt, couche tard pour l'argent. Respecte même plus ses parents. Lève tôt, couche tard pour l'argent. Respecte même plus ses parents. Quand il s'en bat les couilles, il veut pas être mignon. Mais tout ce qu'il veut c'est péter le million. Allumé, c'est un héros de l'ombre, sa daronne attristée, lui il fume du pilon. Lui il fume du pilon, dans la veta, il détaille des litrons. Quand y'a les keufs, il dessous de l'bendo. Son daron l'appelle, il répond pas c'est trop. Il répond pas c'est trop, il répond pas c'est trop. Il casse au feu pour péter le BMO. Devant la juge, j'ai fait que de mytho. Son cachet judiciaire est plus long qu'un marteau. Il a peur de rien, vu je suis fait comme Pablo. Vu chiffré comme Pablo. Moussa a grandi dans le check. Qui connaît la loi, nique sa mère. Le wari a que ça dans sa tête. Pour rien, il peut sortir le père. Il s'en fout des meufs, veut de la monnaie cash. Avec le pan, négociation, tu dois lui payer cash. Traîne avec des bonhommes, mais non pas des lâches. Dans sa tête, il est déjà loin, c'est déjà les favelas. C'est Moussa en personne. Il a peur de personne. C'est Moussa en personne, il respecte personne. Moussa veut de l'argent très rapidement, donc il monte le premier plafond. Il fait croire à sa mère qu'il travaille, mais elle sait très bien que c'est un dormant. Il fait du chiffre illégalement, sur tous les terrains il veut gémant. De son équipe veut être le gérant, donc au PD met des grosses mises à la demande. Pour le pif, il veut casserait le coup, donc ne traîne pas avec une somme. Respecté au quartier, donc dans tous les marchés, il fait des chromes. Le ralice le rend parano, il aime pas les meufs et leurs vieilles formes. Il veut se mettre bien en été, donc le charbon, il le brûle bien en automne. Charbonné, charbonné sans arrêt, il veut toujours plus, personne pour le stopper. Sa réputation se propage, les ennemis le craignent et les CD veulent paquer. Ses refrains, il peut te canner. Tu lui dois des sous, cache-toi, il va te retrouver. La rue lui, je t'assure qu'il la connaît. Des têtes, il a cogné, qu'on m'y cotonnier. Requin au pied, nage dans le péché. Il préfère niquer des pioches que d'aller prier. Écarré, plus que maillé. Il oublie tout ça sur du papier. Au gourmand des canards, il l'a fait. Il oublie que la rue a s'éclairé. 4 heures, fait tant que posé au quartier. Tu en va vite teinter qui passe au ralenti. Voilà. Pas de dessin, la suite, tu la connais. Voilà. 4-1, Moussa nous a quittés. Pas de dessin, la suite, tu la connais. 4-1, Moussa nous a quittés. Moussa a grandi dans le Jeff. J'ai collé la loi, ni sa mère. Le Wari, y'a que ça dans sa tête. Pour rien, veut sortir le père. Des meufs veulent la monnaie cash. Avec le panique au sens où tu dois lui payer cash. Traîne avec des bonhommes mais non pas des lâches. Dans sa tête il est déjà loin, c'est déjà les favelas. C'est Moussa en personne. Il a peur de personne. C'est Moussa en personne. Il respecte personne.